Ludo in the mix, Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Didi nanana. Le mix de Ludo, bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. Le mix de Ludo, souvenir. Baby, da ba da dum dee dee. You can turn me upside de Ludo. Mais non, l'intro est pas longue. Mais non. Je vous assure. À bientôt. Rocky Head. The Bomb. Dites-moi, serions-nous dans les années 90 ? Il me semble. On dirait. Allez, bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. de Ludo. Le vendredi et le samedi à 21h sur SorgFM. You can feel it, people feel it. Rhythm, rhythm is a dancer. Rhythm, you can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Encore une fois. In the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Le mix de Ludo, spécial 90. Beep. Le mix de Ludo. We'll be right back. vendredi et le samedi à 21h sur Tourgier FM. Get you, another one bites the dust. Shut up. direction l'année 1999 avec Cassius. Ça, c'est un remix. Really don't wanna dance. Watch me dance. Watch me dance.

outer space. You found some better place, and I miss you. Mix le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. We'll be right back.

Bonsoir à vous, il nous reste plus d'une vingtaine de minutes à passer ensemble. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h-23h. Prince, Trip, Trim. À suivre, Pure Disco. Se perdre dans ses boucles, mais alors incroyable. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Oui, c'est Papa Outé, oui, oui. Une autre version que Stromae. Une autre langue aussi. Le mix de Ludo, 21h-23h, samedi, vendredi et samedi. Быть с тобою безрассудными, скажи мне, как

genio di Chocho Loco. Un poquito. Chochito. Chochito. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Une bonne soirée à l'écoute de Sorge FM. On se retrouve demain, demain samedi, 21h-23h, pour une nouvelle édition du mix. C'est que ça l'arme à l'instant avec Sirène. Nous sommes en milieu des années 90. Et bien, puisque vous êtes sage, vous l'aurez jusqu'au bout. On va dire qu'à l'époque, on n'osait pas traduire les paroles. Au cas où s'il y avait des enfants qui nous écoutent. Mais bon, maintenant, il y a prescription. Hein. C'était il y a 30 ans, donc maintenant, les enfants ont grandi. Allez, rendez-vous demain.